comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont coulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première. Surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Salut à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, merci d'être à l'écoute, vous êtes sur le 107FM, vous nous suivez également sur le web, je rappelle le www.radioguémozo.eu et bien sûr sur les réseaux sociaux. Alors bonjour le Québec, il est 10h, alors un petit coucou à Aline et à Huma, des fidèles auditrices. Bonjour le Maroc, il est 15h, bonjour la Belgique et la Suisse. Nous sommes le jeudi 19 avril, vous êtes avec Gilou, je vous accompagne en musique et en direct comme chaque semaine. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30. Bonjour à la technique, donc bonjour Mika. Bonjour à tous, salut Gilou. Comment vas-tu Mika? Mais impeccablement, bien. Comment on ne pourrait ne pas aller par ce soleil magnifique? Ben exactement, il fait bon aujourd'hui, c'est vrai que c'est agréable, ça fait du bien. Je dis ça, mais en même temps, on s'est enfermé dans le studio. Oui, on aurait pu faire dehors. On peut pas faire dehors. Ouvre la décapotable. D'accord. Alors, cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone Frédéric Arnaud, auteur, compositeur, interprète. Frédéric, une génération montante des chanteurs de charme pour tout le public. Ah, ça, j'aime bien. Chanteur de charme et romantique. Ça serait pas les années bonheur, sinon. Avant de rejoindre mon invité, je fais un petit coucou au fan club des années bonheur. Et surtout vous, mesdames, soyez à l'écoute et restez sur nos ondes avec notre chanteur de charme. Et des bisous à mes collègues animatrices Mado de Radio Puisalène et Roselyne de Radio BLC. Ça fait longtemps que je n'aurais pas fait un petit coucou. Puis bien sûr donc à tous les amis artistes, voilà, que j'ai reçus avec plaisir dans nos studios ou par téléphone. Comme vous en avez l'habitude, l'émission sera mise en podcast sur le site de notre radio et rediffusée dimanche 22 avril sur la bande FM. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de la radio et sur la page Gilles Mougel officielle. Je transmettrai en direct. Maintenant, je retrouve mon invité, Frédéric Arnaud. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonjour, bonjour Gilles. Comment vas-tu Frédéric? Eh bien, super bien. Ouais. Ici, à l'instant, il fait super beau là depuis oui. quelques jours. Vraiment, on est gâté. Très agréable. Ouais. Ça fait du bien. Rappelle-moi, Frédéric, tu es de quelle région? Alors moi, je suis de la Loire. De la Loire. Département okay. 42, voilà, proche de Saint-Étienne. Voilà, presque en plein centre de la France. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait bon. Hein. On apprécie ce soleil. Hein. C'est vrai. Ah, ça fait du bien. On l'attendait depuis un petit moment. Hein. Depuis un petit moment, c'est vrai. Oui. Si je puis me permettre, nous sommes à Saint-Étienne, les Remiremont. Oui. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est vrai, ouais. Donc, il y a Mika qui est avec moi à la technique. Bonjour Mika. Bonjour. Voilà. Donc, Frédéric, je te remercie d'être présent sur nos ondes cet après-midi. Ça fait plaisir. Avec grand plaisir pour moi également. Bien sûr. Et puis donc, je voulais remercier mon ami Lynn, et agente artistique, qui nous a mis en relation. C'est ça, oui. Ah, c'est par son intermédiaire. C'est par son intermédiaire. Alors, écoute, j'ai tout de suite un message, Frédéric. Oh. Ah, comme j'ai dit, oui. C'est... Alors voilà, donc c'est Lynn qui me met ce petit message. Oui. Elle me met « Allô, HF ». C'est la façon dont on se parle quand on prépare. Donc juste un petit coucou pour te souhaiter une bonne émission. Alors elle me dit passe le bonjour à notre invité de ma part. Oui. Tu lui diras que ces deux albums, Notes sensibles et Chansons pour elle, jouent en boucle à la maison. C'est gentil. Belle voix, des textes touchants et de très belles mélodies accrocheuses. Que du bonheur pour les oreilles. Et il faut que je passe aussi un petit coucou à une de ses nouvelles amies Facebook, Annick Portefait, qui est sûrement à l'écoute et qui est une grande fan de Frédéric. Gros bisous à vous trois, voilà. Ah bah c'est super. C'est voilà, super. Un premier petit message sympathique, hein. Ouais, bien sûr. Voilà. Bah ça fait, oui, c'est, ce sont des personnes, Annick par exemple, qui me suit depuis très longtemps. Oui. Je suis en contact très régulièrement parce que bien sûr, elle a toujours des bonnes idées aussi. Et puis, il faut faire découvrir les chansons. On les fait pour soi, bien sûr, ça se fait plaisir. Mais on les fait aussi pour les partager au plus grand nombre. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc, on les fait pas pour que ça reste dans un tiroir. Voilà, c'est ça. Donc après, voilà, il n'y a pas forcément même plus d'ambition, mais on voudrait que les gens les connaissent tout simplement. Bien sûr, et puis c'est toujours de beaux partages. Oui, c'est vrai, oui, c'est oui, toujours de beaux partages. Et puis bon, bah, la musique, voilà, c'est formidable, quoi, je veux dire. Hein, c'est... Surtout, bon, je répète, c'est vrai qu'on se répète beaucoup en radio, mais je répète souvent par les temps qui courent, d'autant plus. Que bah, ça, Moi, je suis dans un registre de chansons françaises, un peu dans la grande tradition de la chanson française, mais en même temps, chansons à texte sur les sentiments, voilà, vous l'avez dit, chanteurs romantiques, etc. Bien sûr. Effectivement, moi, c'est ce qui me plaît de parler des sentiments. Et de nos jours, il y a effectivement beaucoup de monde qui s'accroche à ce genre de texte et de mélodies, qui parle d'amour et tout ça, bah, parce que ça fait du bien, quoi. Ah oui, exactement, oui, c'est ça, c'est vrai, tout à fait. Je suis allé voir un chanteur romantique il n'y a pas très longtemps, Franck Michael, pour le citer. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que, voilà, on passe 2 heures sur un concert comme ça, c'est vrai que c'est du bonheur, quoi, je veux dire, voilà. Voilà, donc Frédéric... on va commencer un petit peu de parler un petit peu de tes débuts. Alors tu es bercé par la musique, hein, bien sûr, dans une famille musicienne. Ah oui, très tôt. Très tôt. Très tôt, j'étais dans le goût de la musique parce que mon père est chanteur. Oui. Et quand j'étais gamin, il a commencé sa carrière en fait en même temps. Enfin voilà. Et tout de suite, on a vécu dans un climat très musical, très musicien en fait, puisque il avait installé dans une des pièces de la maison, oui. Comme un petit studio où il y avait une batterie, un clavier, des guitares, des amplis, etc. Et voilà, assez régulièrement, il y a les musiciens qui venaient à la maison partager des spaghettis bolognaises et puis ils répétaient une partie de la nuit. Alors dans un des coins de la maison qu'ils avaient un petit peu pour pas faire trop de bruit pour le reste, pour que nous, moi j'étais gamin, donc je puisse quand même dormir, j'avais l'école le lendemain, hein. Voilà, mais voilà, je les entendais malgré tout, et ça jouait, ça travaillait les morceaux, les titres, etc. À l'époque, ils sortaient des albums vinyles, des 33 tours, des 45 tours, voilà, c'était un peu le truc, mais et puis ils partaient sur la route avec ça, quoi, avec leurs chansons. Ouais. Donc moi, quand j'étais gamin, forcément, avec les yeux, dans les yeux d'un enfant, et à cette époque-là surtout, il n'y avait pas tout ce qu'on voit à la télé, bien sûr, aujourd'hui. Nous, on était en plus un peu privés de télé. Donc du coup, j'ai trouvé ça fascinant, évidemment, et j'ai été bercé très très tôt. Tout de suite bercé, très tôt. Ouais. Ouais. Puis, c'est vrai, comme je dis toujours, nos parents nous font passer des choses. Hein. Je veux dire, c'est vrai que ils nous donnent c'est pas une éducation, mais... Voilà, quand c'est comme ça, ils nous transmettent un peu leur sans parfois le vouloir, parce qu'ils nous laissent le choix de ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Il y a jamais aucune imposition, mais malgré tout, on est bercé par ça, et puis on se forme sans le savoir, en fait. Puis quand on est enfant, on ingurgite les informations, on les garde, sans s'en servir forcément, et puis c'est après, pour moi, en tout cas pour ma part, quand j'ai commencé à monter sur scène, être au micro et tout ça, que je me suis aperçu que finalement j'avais des automatismes, alors que j'avais pas l'expérience de la scène, mais j'avais des vrais automatismes qui étaient innés, quoi. Oui, bien sûr. Je les avais vus maintes fois par mon père sur scène, comment il présentait, comment il parlait aux gens, comment il chantait, comment il se déplaçait, Et du coup, ça s'est fait quasiment, c'était presque normal, quoi. Oui, bien sûr. Je dis pas qu'il y a pas eu d'appréhension et que j'ai pas eu du trac, oui. Évidemment, on l'a toujours, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y avait un truc qui était formateur des mon enfance, quoi. D'accord, oui, puisque bien sûr, tu suivais ton papa, hein, je lisais sur ta bio, hein, dès que j'étais en vacances, mais je le suivais beaucoup, parce que le monde du spectacle et des paillettes et tout ça, scène, des instruments, des musiciens, etc., bah, c'est fascinant quand on est gamin et tout, et on suit le père, on suit la troupe, on a l'impression de faire un peu partie de l'équipe, faire partie de la troupe et tout ça, ouais, et puis bon, c'était les années 70, donc c'est... Ah là, les belles années, là. 80, quoi. Donc, ouais, c'était des super années. Enfin, je dirais fin des années 70, début des années 80. Oui, 80 aussi, bien sûr, oui. Ouais, bah voilà. Oui. Moi, je le suivais en tant qu'adolescent, jeune enfant et puis après adolescent. Ouais, c'était super. Forcément, c'était super. Bien sûr, c'est vrai que c'est du bonheur aussi, tout ça. Hein. Alors, c'est le déclic, là, peut-être, Frédéric, Pour la chanson, ou ben, ça vient un petit peu plus tard Ouais, c'est venu plus tard, ce qu'il y a de sûr, c'est que je voulais travailler dans le métier du spectacle, ça c'était une certitude, dans le métier du spectacle, de la variété, etc., ça c'était sûr. Après, je me suis pas senti être sur scène tout de suite, en fait, quoi. J'ai pas pensé tout de suite que ça serait moi qui monterais sur scène. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand j'ai commencé ce métier professionnel, j'avais mon chanteur, j'avais mes artistes, mes danseuses, etc., mes chanteuses, etc. Oui. Et c'était, j'avais le rôle, moi, de les mettre en scène et puis de les diffuser. Hein. D'accord, oui. On fait de la production, de spectacles, on met tout en ordre pour faire des tournées et on diffuse. Et moi, j'étais pas sur scène. Moi, les 10 premières années de ma carrière professionnelle, j'étais derrière le rideau. D'accord. Alors, c'est par rapport à ton cabaret que tu as cette production que tu faisais. C'est par rapport. Ouais. On en parlera, bien sûr. On en parlera après. Ouais. Oui, on en parlera après. Pendant 20 ans, j'ai fait que du spectacle itinérant. Pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des tournées, on part avec des minibus, du matériel, des camions, de matos, etc., des techniciens, des artistes. Oui. Et puis, voilà, on est sur la route, on vit un peu à l'hôtel, beaucoup. Et puis, on suit les galas de date en date. Parfois, il y a énormément de routes pour faire une heure et demie de spectacle. Parfois, c'est un peu moins loin. Parfois, il faut 3 jours parce qu'il y a des hôtels, des machins, des trucs, etc. Et puis, voilà, on est sur la route tout le temps, quoi. Bien sûr, oui, ça prend. Et donc ça a été ma vie pendant 20 ans. Ouais. Ça a été ma vie pendant 20 ans sur les spectacles itinérants et principalement, on faisait beaucoup de cabaret, beaucoup de music hall. C'était vraiment ce qui m'intéressait moi dans le spectacle, c'était monter des spectacles avec des danseuses, des danseurs, des chanteurs, des chanteuses, des acrobates, des numéros visuels. Oui. Et ça marchait bien aussi parce que les municipalités, les comités des fêtes, etc., ils étaient très friands de ce genre de spectacle. Bien sûr, oui, c'est vrai que ce qui nous a permis de tourner pendant longtemps. Ouais. D'accord. C'est vrai que dans ces moments-là, ouais, c'est vrai que peut-être un peu moins maintenant. Enfin, je sais pas tout ce genre de spectacle, quoique, bon, si. Ça fonctionne toujours. Enfin, si on parle de cabaret, par exemple, ça marche bien, je crois. Même, ouais, ça fonctionne même toujours. Si c'est vrai qu'il y a une époque, puisque moi j'ai commencé à être un professionnel à partir de 92-93, il y avait peu de monde, il y avait peu de compagnies qui proposaient des spectacles de cabaret, de musicals au comité des fêtes, aux municipalités, aux offices de tourisme, etc., dans des salles de spectacle, centres culturels, théâtres, ou qui faisaient ça aussi sur les spectacles en extérieur, sur les podiums, etc., en tournée d'été, tout ça. Et on était quand même, dans les années 90, on n'était quand même pas si nombreux que ça. Donc c'est vrai qu'en termes de calendrier, c'était simple. Hein. On D'accord. remplissait le calendrier, c'était super facile. D'accord. Mais après, avec les années, il y a eu de plus en plus de revues cabaret, et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu une petite saturation, parce que à partir 2000, on va dire 2005-2010, il y a commencé à avoir vraiment beaucoup beaucoup de monde sur le marché, hein, oui, avec bien sûr, d'organisateurs, donc forcément le gâteau il est toujours aussi gros, on va dire, oui. Voire moins parce que il y a des organisateurs qui arrêtent, etc., il y a des comités des fêtes qui arrêtent, etc., mais par contre avec beaucoup plus de compagnies, évidemment c'est devenu un petit peu plus concurrentiel, comme on dit. Ouais, d'accord. Autrement, du côté de ta maman, est-ce que ta maman était musicienne? Pas du tout. Non, oui, oui. Pas du tout, non. C'était juste le papa. Ouais, juste okay. mon père. Ouais, d'accord. Non, ma mère, elle a elle a travaillé à l'hôpital, elle était infirmière. Oui. Elle a fait toute sa carrière d'infirmière. Voilà, un beau métier aussi. Ouais, un très beau métier. Très beau métier. Et puis qui devient très aimé dans son métier. Bien sûr, oui. Puis qui devient très très difficile de nos jours. Parce que bon, moi j'ai été hospitalier aussi, enfin j'étais pas infirmière, mais c'est vrai que ça devient très très difficile, enfin que ça soit pour les infirmières, les aides-soignantes, tout ça, avec des postes qui sont pas remplacés, avec des moyens qui, voilà, que ça devient très très difficile. Hein. C'est ouais, vrai ça que c'est, ouais, c'est, alors, c'est mais tous les mais deux beaux métiers. C'est un très beau métier. Il y a un côté rapprochement entre le métier qu'il y avait mon père, que j'ai eu après aussi, et le métier d'infirmière, parce que finalement, nous, par le biais du spectacle, par le biais de la chanson, de la scène, on fait un peu rêver les gens, on leur fait oublier tous leurs soucis. Tous leurs soucis, bien sûr. D'un concert ou d'un récital ou d'un spectacle, on leur fait oublier tous leurs soucis, donc il y a un côté bien-être à cela, et pareil finalement sur le métier de ma mère, où là, elle est là pour les gens, pour les aider, pour les accompagner, pour les soigner, oui. Et elle était très appréciée dans son métier, et finalement, ça s'entrecoupe aussi, parce que elle est là pour aider, nous on est là pour donner un peu de bonheur aussi, pour faire rêver les gens, et c'est que du positif finalement dans ces deux métiers là même si évidemment c'est très loin. On peut comparer les époques, quoi. C'est vrai que maintenant les infirmières ont du mal d'être proches du malade, quoi. Elles font les soins, tout ça, et par manque de temps, elles ont du mal. Il y a plus de mal à être proche du malade, quoi. C'est vrai que c'est ça qui est un petit peu dommage, quoi, maintenant. Mais bon, alors Frédéric, si tu veux bien, on va écouter. Alors moi je voulais te remercier, hein, pour l'envoi de l'album Note oui, Sensible. C'est le deuxième, parce que j'en ai fait quelques-uns. Ouais. C'est le deuxième, mais c'est le plus révélateur de ce que j'ai fait, de toute façon. Bien parce sûr. Que Note Sensible, c'est un 12 titres. Donc c'est un album où il y a quand même un peu de matière. Et il y a beaucoup de chansons qui sont très autobiographiques en même temps, qui parlent de sentiments, bien sûr, mais qui parlent de plein de choses, de ma vie aussi. De certains questionnements, etc. Et en fait, voilà, c'est l'album le plus important pour moi. Ouais. D'accord, ok. Alors, si tu veux bien, on va écouter un premier extrait. Oui. Hein, de l'album Note Sensible. On va écouter À Saint-Germain. D'accord. Et puis, on en reparle après. Merci. Le samedi soir, au bout de Paris, deux amoureux, après minuit, traînent leur cœur et ce sourire, et leur bohème en poésie. Quartier des Arts, avenue des mots, les voix naissent sur le tempo. On joue Prévert dans les bistrots, et Boris Vian sur le piano. À Saint-Germain, tu te souviens des mélodies de ces refrains. À Saint-Germain, tu te sens bien, c'est tout Paris qui te revient. Dans les sous-sols, la rue de Rennes, le jazz efface toutes nos peines. Dans les fumées américaines et les ivresses musiciennes, Davis Bechette toute la nuit souffle les libertés folies et leur furieuse envie de vivre aux petits jours nous étourdis. À Saint-Germain, tu te souviens des mélodies de ces refrains. À Saint-Germain, tu te sens bien, c'est tout Paris qui te revient. Y'avait Luigi, y'avait Firmin, y'avait Rico, des tas de copains. Tout le monde chantait à Saint-Germain, au métro jazz, à l'Arlequin, au rendez-vous des musiciens. Saint-Germain, tu te souviens des mélodies de ses refrains. À Saint-Germain, tu te sens bien, c'est tout Paris qui te revient. À Saint-Germain, tu te souviens de ses chansons, de ses refrains. À Saint-Germain, voilà, à Saint-Germain, Frédéric. Un petit voyage à Paris. Ouais, alors moi je dis, mais ouais, ça sent bon la France. Oui, bien sûr. J'adore cette chanson, c'est vrai que hein, ça me rappelle un petit peu, tu sais, les musiques de, la musique de, par exemple, de Yves Montand, qui chantait sous les ponts de Paris, là, là, là, là, là, là, tu vois. Hein, c'est vrai, c'est bon, je pense que c'est un petit peu dans le, c'est des chansons de, je ne sais plus l'auteur, Boris Vian, non ah bah, il y avait, oui, bien sûr, à l'époque, donc, oui, bien sûr. Oui, oui, voilà, c'est ça. Mais là, c'est bien, ça swing, c'est... Je trouve que là, c'est, voilà, c'est, ça aussi, c'est du soleil. Oui, Mika, vas-y. Ce titre m'a fait penser un peu à Danny Briand. Ah. Oui, bah, oui, oui, oui, bien sûr, parce que lui aussi avait écrit une chanson, ouais, sur Saint-Germain. Ah oui, c'est vrai, Saint-Germain, oui, oui, enfin... C'est... Exact. Oui, oui, c'est vrai. Que... Bon, voilà, mais en fait, moi, j'avais écrit cette chanson-là... Pour une histoire très simple, c'est à l'époque j'avais un spectacle avec lequel je tournais et qui tournait bien, qui s'appelait Les Légendes de Saint-Germain. Et en fait, je retraçais pendant près de 2 heures de spectacle avec toutes les belles chansons qui ont, je dirais, illustré la belle période de Saint-Germain-des-Prés. Oui. Je retraçais l'histoire de Saint-Germain-des-Prés justement. Et à la fois. Je racontais justement les histoires qui ont bercé Saint-Germain-des-Prés avec Cora Vauquer, avec Juliette Gréco, oui, avec Béchette, avec Miles Davis, et Boris Vian bien sûr, etc. Guy Béard, enfin voilà, il y avait tout un tas de choses, il y avait une bohème de chansons, de poésie, de la nouveauté, voilà, de la chanson réaliste, etc. Gainsbourg, enfin il y avait plein de choses à cette époque-là. Et c'était important dans le spectacle que nous aussi, en tant que chanteurs, puisque là du coup j'étais interprète, hein, j'interprétais les grandes chansons de Saint-Germain-des-Prés en racontant l'histoire, bah, c'est important que j'ai aussi une chanson à moi de mon propre répertoire, mais qui parle de cette époque. Et finalement, au gré des spectacles, bah, ça a été assez simple d'écrire une chanson qui parle de Saint-Germain-des-Prés, et on l'a inclus dans les spectacles et qui ont fait tourner, et c'était en fait la chanson d'ouverture du spectacle Saint-Germain, Les Légendes de Saint-Germain. D'accord. Ouais, ouais. Alors toujours, pourquoi ce choix de chansons comme ça, je veux dire, peut-être aussi là ça vient aussi du papa. Oui, mais complètement. Ah, complètement, fait, oui. Ouais, mais complètement. Ouais, bon, ouais. Moi, j'ai commencé à écrire des... Bon, cette chanson, bon, c'était vraiment principalement à Saint-Germain, principalement. Dû au fait que, voilà, sur scène, on jouait un spectacle qui tournait vachement bien, qui était très applaudi, qui s'appelait Les Légendes de Saint-Germain. Mais oui. Toutes les autres chansons de l'album, elles ont toute une histoire particulière, quoi. Soit ça parle d'une histoire de rencontre, voilà, soit ça parle d'une histoire d'un rêve, ou de mon enfance, par exemple, oui. Voilà, une histoire d'amour, bien sûr, ou des questions sur la vieillesse, ou voilà. Chacune parle d'un moment, de ma vie, voilà, donc comme Saint-Germain, puisque c'était le moment de ma vie sur ce spectacle-là, mais chacune parle de quelque chose, voilà. D'un moment, oui, bien sûr, ok. Alors, bien sûr, je reviens un petit peu en arrière. Tu fais une première scène à l'âge de 11 ans, hein, au violon, oui. Tu as fait des études, oui. Enfin, tu as fait des études de violon, tu... Oui. Ouais. Oui, je prenais des cours de violon à cet âge-là, enfin assez tôt, hein, j'ai pris des cours de violon, c'était un instrument qui m'allait bien. Ouais. Il est pourtant hyper difficile. Oui, c'est ce que j'allais dire, oui, ça doit être difficile. Ouais, c'est difficile, surtout quand on est enfant, mais en même temps, voilà, quand... bon, j'avais un tout petit violon au début, un peu plus grand après, voilà, bon. Mais voilà, c'était un instrument qui m'allait bien, moi. Et j'aimais bien en faire, voilà. Bon, après, ça m'a passé un peu plus tard à l'adolescence. j'ai voulu d'autres choses, mais c'est vrai que c'était un bel instrument. Et puis, on passe dans une belle salle avec mon père sur un de ses titres qui a été phare dans sa carrière, qui s'appelle L'Enfant Moulin Rouge. Et c'était effectivement une de mes premières scènes, je veux dire, en tant qu'artiste, on va dire, voilà. Oui. Alors, j'étais beaucoup monté sur scène en mon gamin, dans les spectacles de mon père, enfin quand je dis beaucoup, de temps en temps monter sur scène en tant que gamin, parce que il avait aussi des chansons qui parlaient d'enfants, qui parlaient d'un tas de choses, du haut de mes 6, 7 ou 8 ans, je montais sur scène habillé en gavroche ou habillé en autre chose, et c'était sympa. Mais ça, effectivement, c'est une grosse expérience. On sent, à vrai dire, quand on est enfant, on se rend pas bien compte. Hein, on se rend pas bien compte de ce qu'on vit. C'est après qu'on se dit, ah ouais, j'ai quand même fait ça, quoi. D'accord, oui, c'est vrai. Et puis alors, les études, Frédéric. Oui. Ça se passe comment? Ça a été très simple. J'ai fait des études de compta, donc qui ont rien à voir avec le métier. Oh oui. Et après j'ai fait des études commerciales parce que c'était quelque chose que j'aimais bien. Oui. Mais dès que j'ai eu terminé bac et BTS, après le BTS, je suis allé direct dans le domaine du spectacle. Quoi. Dans le domaine artistique, bien sûr. Et puis bien sûr, de toute façon, les parents n'allaient pas contre, hein, forcément, puisque voilà, bercé dans ça, c'est sûr que parce que il y a certains artistes, je dirais, des fois, qui nous disaient, les parents, au départ, c'est bon, tu fais des études et après, tu... Non, c'est bien. Alors, ils m'ont pas freiné parce que ils savaient que ça pouvait fonctionner et qu'on pouvait en vivre, quoi. Bien sûr. C'est vrai que, et puis maintenant, l'époque est différente, mais à cette époque-là, il y a peut-être beaucoup de parents qui ont dit non, tu vas faire un métier sérieux. Oui, oui. C'est possible. Mais moi, avec l'expérience de mon père, il pouvait pas me le dire, c'était pas possible. Oui, c'était pas possible. Mais c'est vrai que dans les années passées, le métier de chanteur, différent dans l'artistique, c'est vrai que c'était, je parle des années bien en arrière, quoi. Je veux dire, c'est vrai que pour les parents, c'était un petit peu, c'était pas un métier, en fait, voilà. Hein, c'est vrai que bien sûr, mais pour eux c'était changé, hein. Aujourd'hui, bien sûr, on voit ouais, mais aujourd'hui on voit beaucoup de teenagers, d'enfants qui font de la télé, qui font les radios crochets, ils ont à peine 14-15 ans, ils chantent super bien, mais ils ont une vraie connaissance aussi du métier, ils ont des belles voix et tout, oui, ouais, parfois ils sont pas formés du tout, mais ils ont tellement suivi, là aussi il y a une formation des jeunes avec la télévision, ils ont tellement vu de chanteurs, tellement de choses, d'émissions de chants, de réalités, de trucs, etc., que ils ont appris ça directement, quoi, et après on leur met un micro dans la main, ils ont 16 ou 17 ans, oui. Et ils savent faire parce que en quelque sorte ça s'est transmis, quoi. C'est sûr. Et on se dit, mais comment ils peuvent faire? Ben oui, c'est sûr. Voilà. Tu en parles, Frédéric, des émissions de télé. Et que penses-tu, toi, des émissions comme par exemple The Voice? The Voice, oui, des choses comme ça. On entend des belles voix, c'est vrai. Moi franchement j'en pense rien de mal, hein, bien au contraire. Ouais, d'accord. C'est aujourd'hui ce type d'émission qui fait révéler certains talents. Alors tout le monde ne sort pas, tout le monde ne s'égage pas du truc, etc. Mais en attendant, c'est des tremplins pour beaucoup. Hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont continuer dans le métier? Est-ce qu'il y en a qui vont être dégoûtés du métier? Est-ce qu'il y en a qui vont devenir des stars et d'autres des gens complètement inconnus? Oui, forcément. Oui. C'est sûr. Mais en fait, pour beaucoup d'artistes jeunes qui débutent et qui ont déjà un potentiel, c'est un super tremplin, quoi. Oui, bien sûr, hein, c'est vrai. Ouais. Alors, nous, on l'avait pas, hein, à notre époque-là. Oui, bien sûr. Ouais, on avait des télécrochets. Nous, le télécrochet déjà, c'est. Oui, les radios crochets. Il fallait on disait les radios crochets. Ouais, nous, c'était plutôt les radios crochets. Les radios crochets, c'est ça, ouais. De Tartambion. Oui, oui. Où n'y avait pas forcément des gens qui pouvaient te dire derrière, c'est vachement bien ce que tu fais. Ouais, ou des gens du métier peut-être un peu plus, voilà, pour ouais, voir un petit voilà, peu les. Bon, voilà, c'était notre époque. Aujourd'hui, quelqu'un fait The Voice ou Incroyable Talent ou Nouvelle Star. Bon, même s'ils sont même pas en finale, hein, même en quart de finale ou même au début de l'émission, ça y est, s'ils ont une page Facebook, ils ont des contacts, ils ont des machins, on voudrait vous tourner. Moi, j'ai contacté des gens, il y a même pas plus tard qu'hier, Laura Lone, hein, qui a gagné Incroyable Talent. Oui. Elle est indisponible jusqu'à fin 2019. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Et plein des deux dates. D'accord, oui, c'est vrai que ça ouvre des portes quand même. Ah ben oui, plutôt. Ouais, plutôt. Et toi, tu suis justement ce genre d'émission pour éventuellement les faire jouer, les faire. Oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Bien sûr, c'est très important pour moi. Puis même ça nous fait être toujours dans l'actualité, ce qui se fait aujourd'hui, d'être toujours accroché à ce qui se fait aujourd'hui, quoi. Ouais. Et tu recherches des artistes aussi sur Internet? Oui, bah oui. Évidemment, ouais, bien sûr, on est toujours à la recherche. Ouais. Voilà, parce que bon, c'est vrai que The Voice, je pense que c'est quand même, voilà, c'est quelque chose de. Bah, y a quatre coachs là qui sont des grands chanteurs. Moi, j'ai eu l'occasion de recevoir un artiste qui était passé dans un incroyable talent, même deux d'ailleurs que j'avais. Ouais, oui. Je sais pas si c'était un incroyable talent, si ça devait être ça. Mais ils sont arrivés avec leur chanson qu'ils voulaient chanter, mais on leur a imposé une autre chanson. Oui. Voilà, moi bon, ça m'avait été dit. Il y avait deux artistes ça arrive, ça. Ouais. Pas tout le temps, mais pas ça tout arrive, le temps. Parfois, ouais. Ça arrive, on leur impose des titres. Oui. Parce que la production peut-être estime que le titre peut-être va déclencher quelque chose dans le public, alors que le choix de l'artiste peut-être pas. Voilà, mais après. Mmh. Quelque part, ben oui, il y a une question d'image par rapport à la télévision, donc il y a un contrat qui est fait, je suppose. Donc voilà, oui, il y a des choses qui se font comme ça. D'accord. Alors Frédéric, je te propose, on va écouter une autre chanson. Alors bien sûr, hein, je précise que nous écouterons la chanson de ton dernier single. Hein, oui, merci. My Doll, hein, bien sûr. Hein, donc on va voir ça au fur et à mesure de l'émission, mais bon, on va faire découvrir aux auditeurs, aux auditrices. Donc ces chansons de cet album Note Sensible, hein, bien sûr. Alors j'ai choisi en deuxième titre Si ce rêve c'était toi. Parfait. S'il y avait des miroirs dans la boue, des rêves à rire dont tout le monde se fout, si ce rêve c'était nous. Je sais que même les murs sont de cailloux. S'il y avait des soleils dans la nuit, des matins blancs que tout le monde poursuit, si ce rêve c'était toi. Je sais que nos matins pleurent tout bas. S'il y avait des lunes dans la mer, des idées folles que tout le monde vénère, si ce rêve c'était toi. Je sais que les idées n'existent pas. S'il y avait des ciels bleus sous la pluie, des mots d'amour que tout le monde en. Si ce rêve c'était toi, je sais que nos mots sont de bois. S'il y avait des perles derrière le gris, des yeux brillants que tout le monde oublie, si ce rêve c'était toi. Je sais que nos yeux sont loin parfois. S'il y avait des miroirs dans la boue, des rêves à rire dont tout le monde se fout, si ce rêve c'était nous, que même nos rêves sont de cailloux. Voilà, Frédéric Arnaud sur les antennes de Radio Gemozo cet après-midi. Alors Frédéric, voilà, on vient d'écouter Si ce rêve c'était toi. Oui. Voilà, une belle chanson. C'est vrai que tu m'avais envoyé en premier lieu donc des MP3 et puis bon, bien sûr, j'ai réécouté ton album et j'ai pris vraiment plaisir à l'écouter et puis bien sûr pour préparer l'émission forcément. Oui, merci. Et c'est comme disait Aline hein, dans son message tout à l'heure, c'est vraiment voilà, ça s'écoute. Je veux dire, on est bien quoi. Il y a des chansons, on en a parlé un petit peu, hein, qui sont un petit peu swing. Oui. On en entendra peut-être une autre tout à l'heure, et puis des chansons un peu plus douces, voilà, qui ça fait du bien d'écouter ça. Alors Frédéric, toi tu es auteur-compositeur. Oui. Bien sûr, et interprète. Quand tu composes, je veux dire, de quelle façon tu procèdes quand tu te mets à écrire? Est-ce que non? Oui, généralement, je commence toujours par le texte. Moi, bah, chacun après a sa. Oui, ça, oui, c'est vrai que des fois, il y a la musique qui se met. Oui, oui. Ouais, ouais, voilà. Moi, je suis peut-être plus auteur en fin de compte que compositeur, mais en fait, dans un album, en plus, moi, je suis jamais seul. Hein. J'interprète oui. des chansons qui sont pas écrite par moi ou pas composée par moi, voilà, tout dépend. Moi j'aime bien travailler avec à plusieurs en fait, parce c'est toute une équipe bien sûr. C'est une équipe, et puis on se retrouve des fois avec une vingtaine de titres, et puis après on efface tout ce qu'on n'aime pas. Ah, non, ça c'est pas assez bien, ça veut rien dire. Bien sûr, oui, oui, oui. Voilà, et c'est pour ça qu'on se retrouve des fois avec 12 titres, enfin, c'est ce qui est arrivé avec cet album Note Sensible. Voilà, donc je travaille avec d'autres auteurs qui sont des amis hein, de toute façon, hein, qui m'amènent un texte, je dis waouh, ça c'est génial, bah après on le met en musique, ou alors l'inverse, j'ai des textes et je me dis moi j'arrive pas à trouver la mélodie, et là mon pianiste Eric Delhomme me dit ah, non mais j'ai un truc pour toi là, c'est bien, voilà. Et puis des fois j'ai la musique et la chanson, enfin j'ai la chanson en entière quoi, bien sûr, auteur ouais. compositeur, donc voilà, donc c'est un tout. Il y a des chansons où je suis que l'auteur, des chansons où je suis compositeur, des chansons où je suis les deux, des chansons où je suis rien, où je suis juste interprète, pardon. D'accord. Donc voilà, mais c'est ça. Moi, je trouve que c'est un travail d'équipe aussi. C'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on avance en équipe, etc. Voilà. Bien sûr, oui, et puis c'est bien d'avoir plusieurs avis, et puis voilà, c'est ça. Alors, bah, en tout cas, c'est ce qui me plaît, voilà. Ah oui, bien sûr. Je pourrais évidemment si j'avais un peu plus de temps, écrire peut-être tout un album où ce soit que mes chansons en tant qu'auteur-compositeur, voilà. Mais c'est vrai que je fais pas que ça aussi. J'ai une activité dans le musical qui est assez importante. Donc ouais. Ça me prend beaucoup de temps. Je suis sur scène 4 fois par semaine, donc voilà, 4 jours par semaine déjà, je suis sur scène au musical, au cabaret. Donc j'ai pas énormément de temps en plus, parce que le reste du temps, bah voilà, c'est beaucoup de choses. Je suis directeur d'un cabaret, donc ouais. Voilà. C'est ce qui fait que pour moi, la chanson, les albums, etc., j'essaie d'y passer un petit peu de temps, parce que vraiment c'est une vraie passion et un grand plaisir. Bien sûr. Alors j'ai un petit coucou à te faire, Frédéric. C'est Mado qui est Mado, ouais. Mado qui est donc animatrice sur Radio Puisalène. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Donc elle fait de gros bisous. Voilà. Ah ben, alors c'est moi aussi. Hein, je lui envoie un gros bisou en espérant la voir au téléphone bientôt. Ouais, elle est à l'écoute. Hein, voilà. D'accord. On se suit, tu vois, un petit peu. On écoute nos émissions respectives. Enfin, quand on peut, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Ah ben oui. Ah, c'est vrai que. Bien sûr, voilà. Donc ben tu parlais de cabaret là. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ton cabaret? Oui, ben je veux bien. Oui, ah, parce que il y a cette carrière de chanteur là que vous découvrez oui. avec mes chansons, voilà. Mais c'est vrai que elle a été un petit peu, ralentie du fait que on a décidé avec deux de mes associés, en 2015, d'ouvrir un music hall. Et donc on a fait construire. Dans notre région, moi je suis donc, je disais, du côté de Roanne, hein, dans la Loire. Dans oui, d'accord, oui. Donc le cabaret est dans un petit village, juste à côté, qui s'appelle Renaison, c'est un village tout à fait mignon. Et on a fait construire un music hall, mais un grand music hall, hein, vraiment, qui porte le nom de cabaret. Oui. Ça, c'est l'élégance cabaret. Et dans ce grand music hall, ben voilà, nous donnons entre 2 et 4 séances par semaine, pendant 10 mois, puisque la saison c'est 10 mois, c'est de septembre jusqu'à fin juin, et c'est du grand spectacle, grand show, avec pas moins de 12 danseurs danseuses, avec acrobates, avec visuels aériens, avec du feu, avec un tas de choses. Il y a un humoriste, chanteur, chanteuse bien sûr, oui. Et moi je prends une part importante dans le spectacle. Je suis pas le rôle plus en valeur que les autres, mais voilà, j'ai quand même un rôle assez important au chant, à la comédie, et on a un très très gros spectacle. Aujourd'hui, l'Élégance Cabaret se place parmi les 10 plus grands cabarets de France, donc on est super content, surtout que ça n'existe que depuis 2 ans et demi, ah ouais. Donc c'est vraiment une super belle réussite, et on reçoit beaucoup de public qui vient de beaucoup de régions, et on est très content, on est très fiers de cette réussite. D'accord. Alors je rebondis un petit peu sur ce que Mika disait tout à l'heure, peut-être aussi d'où le choix, enfin, où tu es attentif donc à ces émissions dont on parlait. Ben oui, bien sûr. Pour voilà éventuellement voilà avoir des artistes qui pourraient se produire. Saison, il faut trouver des nouvelles idées, des nouveaux artistes qui m'accompagnent, parce que comme je disais, je suis évidemment pas tout seul sur scène. Oui. Et il faut aussi se démarquer, prendre des gens. Alors à l'international aussi, hein, c'est pas que des Français qui sont sur scène avec moi, mais on arrive à construire un très beau spectacle. Alors c'est vrai que je suis très attentif à ce qui se fait. Parce que voilà, un bon acrobate qui a un numéro très original, ça peut être très intéressant pour travailler ensemble sur l'Élégance Cabaret, parce que on fait à peu près 100 représentations, hein, au cabaret par saison, oui. Sur 10 mois, donc c'est pas rien. Ah non, et, c'est sûr, ça fait vraiment beaucoup de représentations, c'est bien. Et donc du coup, on a une belle carte à jouer, parce que voilà, on reçoit beaucoup de gens, hein, au cabaret. D'accord. Quels sont tes critères de sélection? L'originalité, bien sûr, et puis il y a évidemment le professionnalisme, faut que ça soit très bien fait, faut que ça soit béton. Et après, il faut évidemment que ça s'incorpore après nous dans le thème du spectacle. Parce que un spectacle de music hall aujourd'hui, en tout cas, ça c'est pas une succession de ballets, de plumes, de cancans, etc. Non, non. Aujourd'hui, il y a une vraie histoire, il faut emmener les gens. Dans une histoire, il faut les faire rêver, et c'est pas simplement des chansons qui suivent les unes à la suite des autres, il y a un vrai thème avec un fil conducteur. D'accord. Alors Frédéric, je voulais te demander aussi, parle-nous de tes rencontres musicales, enfin d'artistes connus. Ah, ouais. Bah, c'est-à-dire que avec une 20aine d'années sur la route en spectacle, j'ai rencontré évidemment plein de gens, parce que voilà, on passe de ville en ville, hein, c'est vraiment le travail du saltimbanque, hein, oui. Pour le coup, d'artistes de music hall. Alors donc j'ai rencontré évidemment plein de gens, on a fait plein de premières parties, etc. Et puis après, moi, quand j'ai commencé à être vraiment sur scène avec mes propres chansons, eh ben c'est vrai que un artiste chanteur comme moi, ben ça s'inclut bien dans les premières parties de tête d'affiche, parce qu'il en faut, ils en ont besoin, les producteurs, le public aussi. Oui. Et c'est un peu souvent une offre, hein, que les soirées spectacles font. Il y a un artiste, et puis il y a souvent un artiste tête d'affiche, donc, et souvent des premières parties. Alors j'en ai fait beaucoup, ouais. J'en ai fait beaucoup, à commencer, enfin, dans le désordre, mais enfin, j'en ai fait beaucoup. J'ai travaillé beaucoup avec Rick Azaray, j'ai travaillé beaucoup avec Annie Cordy. Annie Cordy, oui, je sais. Voilà, et puis plein d'autres gens, hein. De voilà, belles rencontres, ça, oui, c'est sûr. Ouais, mais c'est ça, parce que ce sont des gens, qui font partie quand même du paysage de la chanson française. Oui, voilà, oui, bien sûr. Il faut le sûr. Dire. Du music hall, pour Annie Cordy, pour pas la citer. Du music hall aussi, voilà. Donc, ah oui. Ce sont des gens qui ont une vraie expérience de la scène. C'est pas des gens qui chantent en playback, hein. C'est voilà. Et du coup, ils ont une vraie expérience. Et du coup, quand on travaille avec ces gens-là, ça nous apporte beaucoup. Ouais. Enfin, moi, ça m'a beaucoup apporté. Et puis, ils sont là à vous donner des conseils. C'est super. Bien sûr, oui. Puis, c'est vrai, comme tu disais, bah, c'est des gens du patrimoine de la chanson française. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est quand même, moi, je me pose toujours la question, sans critiquer, hein, sans faire de critique, mais je me dis, est-ce que la jeune génération, enfin, Est-ce que tous ces chanteurs, bon, dont on parlait tout à l'heure, il y a des bons jeunes chanteurs, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'il y aura un patrimoine comme ça de chansons, enfin de, je sais pas. Je pose toujours la question. Je pense que oui, parce que finalement, il existe toujours des choses qui restent. Voilà. Après, la différence d'il y a peut-être 10 ans ou d'il y a peut-être 20 ans ou des années 80, c'est que les tubes, ils duraient dans le temps. Il y avait une vraie durée dans le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais gamin, un tube, ça durait un an. Oui. Un peu plus tard, dans les années 80, un tube, ça durait des mois. On l'écoutait en radio pendant des mois, quoi. Voilà. Aujourd'hui, c'est sûr qu'un tube laisse vite la place à un autre tube du même chanteur, et c'est vite, ça va vite, quoi. Oui, ça va vite. Ça veut pas dire qu'on l'écoute plus en radio nulle part, mais ça laisse vite la place à un autre. Et allez, vite, ça tourne. Donc, ça veut dire qu'en fait, la durée de vie d'un tube est très courte. Des fois, c'est un mois ou deux. Oui. C'est très très court parce que y en a un autre derrière et ensuite un autre derrière. Voilà. Bon. Donc c'est pour ça que je dirais c'est peut-être un peu moins quelque chose qui passe comme étant un standard parce que finalement c'est tellement court. Mais il y a des qui peuvent le faire et qui le restent parce que c'était vraiment des très beaux titres, etc. Bon, à condition que les médias soient un peu derrière quand même, quoi. Mais oui, bien sûr. Mais voilà, c'est le problème, c'est que ça passe peut-être un petit peu trop vite pour que ça passe à la postérité, comme on va dire. Voilà, c'est ce que je voulais rebondir parce que je parlerai là de Radio Nationale. Moi, je trouve je vais pas citer le nom, mais je trouve que des fois c'est on entend dans la journée x fois la chanson. Moi, je trouve que des fois, un peu, c'est un peu du, enfin, je sais pas, je dirais, c'est peut-être, le mot est peut-être un peu fort, mais du matraquage, quoi. Je sais pas. Oui, mais c'est constamment, quoi. Ouais. Faut dire une chose, c'est que il y a des bonnes chansons, il y a des chansons moins bonnes aussi. Oui. Mais dans l'esprit de dans la tête du public, un titre qui passe régulièrement, on le garde en tête. Hein. Tout simplement, que ça soit une bonne ou une moins bonne chanson, hein. On la garde en tête. Après, il y a des très bonnes chansons, ça fait tilt dès le premier coup, quoi. Mais le fait de matraquer un titre à la radio, c'est quasiment inévitable. Les gens, quand on entend 10, 15, 20 fois par jour le même titre, ça reste, hein. Au bout d'un moment, on connaît le refrain. Ah oui, c'est sûr. voilà. Et c'est comme ça qu'on fait un tube, quand même, hein. Bien sûr. Voilà. Alors après, il n'y a pas que la radio, hein. Je veux dire, sur YouTube, il y a des gens qui se lancent et puis qui sont repérés et qui ont 10 000, 100 000 vues parce que la chanson est bonne, quoi. Voilà. Parce que toi, Frédéric, tu as une expérience. Hein, je lis sur ta bio, oui. Donc avec une radio nationale, je ne sais pas si je peux la citer, mais bon, voilà où tu as participé et tu étais finaliste. Oui. Est-ce que ça t'a aidé ce passage-là sur cette radio? En fait, ça donne toujours une visibilité, d'une part, oui. D'un public qui ne nous connaissait pas. Parce que quand on n'est pas signé en maison de disque, forcément on n'a pas difficile. Une grande visibilité. Ouais. On n'est pas distribué dans les magasins, on passe pas dans toutes les radios, FM, etc., grande ou moins grande. Voilà. Donc dès qu'on passe dans une radio un peu plus importante, je dirais, d'une oui. dimension vraiment nationale, écoutée partout en France. Bon, d'abord, ça donne une visibilité de gens qui nous connaissaient pas, qui peuvent peut-être se dire, tiens, mais c'était pas mal ce truc, je vais aller voir sur Internet, comment il s'appelait le garçon, machin, etc. Oui. Voilà. Après, c'est quand même la succession de passages qui fait que ça peut rapporter quelque chose. Voilà. Bien sûr. C'est pas un seul passage. Hein. Voilà. Après, bon, quand on a plusieurs passages, bon, c'est bien parce que les gens ils disent, tiens, je vais aller voir sur Internet comment il s'appelle, ce gars Frédéric Arnaud. Bah, tiens. Voilà, ouais. Et après, il y a une vraie découverte. Et puis, il peut y avoir des producteurs ou voilà des diffuseurs qui disent, tiens, lui, je vais peut-être le prendre pour faire la première partie de voilà. Ouais. Bon. Mais comme je disais, mais en fait, bon, cette émission dont je parlais, on va dire c'est ma chanson, hein, c'était intitulé ce titre-là, tu vois de quoi je parle, mais c'est encore pas mal parce que je veux dire, on présente l'artiste, on écoute une ou deux chansons, enfin, ça m'est arrivé d'écouter, hein, bien sûr, parce que j'écoute pas que ma radio. c'est la petite note d'humour, j'aime bien. Non mais c'est vrai que voilà dans cette émission là, je veux dire, c'est vrai, on présente l'artiste, voilà ça c'est bien. Mais des fois on entend, ça repasse. Après bon, voilà, c'est comme ça. Puis c'est beaucoup aussi une histoire maintenant, je pense, d'argent aussi qui fait beaucoup dans tout ça. Enfin. Ouais, bah maintenant c'est vrai que c'est le pour nous qui sommes pas signés en maison de disques, pour le faire connaître, comme je disais au début, quand on fait une chanson, c'est quand même pour la partager. Donc sûr, oui. Quand il y a des radios qui nous suivent, c'est super quoi. C'est super, ouais. Frédéric, tu parlais de bonnes chansons. Qu'est-ce que tu appelles une bonne chanson ? Combien de titres écris-tu ? Combien en jettes-tu à la poubelle avant d'en sortir une sur un album ? Moi c'est en fait je reste sur une idée qui me permet d'écrire une chanson. Tant que j'estime qu'elle n'est pas suffisamment bonne pour moi, hein, parce que c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût et de couleur là encore. Hein, c'est voilà une chanson que je trouve bonne pour moi, hein, pour moi. Et ben je peux en faire plein de versions avec des textes différents, avec des mélodies différentes. Je peux avoir plein de versions d'une chanson. Et puis je me dis non, là elle swing pas assez, alors j'augmente le tempo, paf, je change des mots parce que du coup ça colle plus, voilà, etc. Donc il m'arrive déjà d'écrire parfois 10 versions d'une chanson tant que c'est pas la version qui me plaît, on va dire. Voilà. Après, il arrive des fois que j'écrive des textes, et puis ces textes-là, ils sont dans l'ordinateur, classés dans un dossier, et puis que je les revois plus. Hein. Mais bon, c'est comme ça, parce qu'il n'a pas fait tilt, j'écris ce texte, d'accord, mais bon, c'est pas grave. Et c'est là qu'on fait du bon travail, parce que je rebondis un petit peu sur ce que tu disais, tu travailles en équipe, c'est vrai que c'est formidable, parce que... Je préfère faire écouter à mes amis, faire entendre ou lire un texte à mes amis. Qu'est-ce que t'en penses? Si mes amis me disent ouais, c'est un peu bateau ton truc. Parce que c'est vrai, je veux dire, moi j'écris quand même d'une manière assez simple. Je vais pas chercher midi à 14h. Je trouve que c'est bien d'écrire des choses simples qui peuvent être comprises très rapidement. Mais en même temps, ce que je veux dire, c'est pas forcément compris dans le même sens. Il y a des fois, sur My Idol par exemple, on m'a déjà dit, t'as voulu dire quoi là, j'ai pas bien pigé. Oui, parce que... Bon, bah d'accord, t'as pas pigé, moi je sais ce que j'ai voulu dire. Bien je sûr. Peux te l'expliquer, il n'y a pas de problème, mais voilà. J'ai voulu dire ça et ça. Ah oui, d'accord, je comprends mieux maintenant. Mais c'est la façon de le dire. C'est la façon de le dire. On peut dire que ça fait partie aussi de la liberté d'être entre guillemets un poète, quoi. Entre guillemets, je me sens pas être un poète, attention, mais ça serait un peu trop de ma part. Mais entre guillemets, quand on me dit de faire un peu de poésie, on peut le mettre un peu comme à sa sauce, quoi. Bien sûr. Mais je veux dire, c'est vrai, bon, je reviens à dire là-dessus, ça permet de faire du bon travail, de faire de belles chansons. Et je dis souvent, et non pas du remplissage. Parce que tu sais, des fois, voilà, il y a un artiste fait un ou deux belles chansons qui ressortent un petit peu de l'album. Ouais. Et puis après, les autres, on les écoute plus. Enfin, c'est vrai. Dans tous les chanteurs qui sortent des albums, mais tous, hein, je veux dire, quand on sort un album, on sort pas 12 tubes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça peut exister pour certains chanteurs, hein, c'est possible, hein, et tant mieux pour eux, et puis c'est des stars, c'est des machines à tubes. Mais je connais pas, je n'ai pas ma connaissance d'artiste qui ait sorti un album avec 12 titres. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, je pense pas. Il y a toujours un titre ou deux ou trois ou quatre. Oui. Qui marche pas dedans parce qu'il y a, mettons, trois ou quatre immenses tubes dans un album. Bien sûr. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même des artistes aujourd'hui, donc qui sont dans le vent, comme Amir par exemple. Par album, il y a quand même beaucoup de tubes, hein. Voilà. Mais après, c'est des gens qui se sont donné la peine, qui ont beaucoup d'auteurs, qui sont eux-mêmes peut-être auteurs-compositeurs. Enfin, j'ai pas vérifié, mais voilà. Et puis, ils ont la belle plume qu'il faut au bon moment, et puis parce que ça sonne surtout, puis que c'est commercial. Bien sûr, et puis selon aussi le goût de chacun, en fait, je veux dire, voilà. Ouais, bien sûr. Moi, je sais que je suis très branché chansons romantiques, etc. Ouais. Donc, ouais. Je veux dire, voilà. Pour moi, je veux dire, dans ton album, y a rien à acheter, quoi. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Mais... Non, mais franchement, enfin, moi, je dis ce que je pense. c'est très, très gentil. Moi, il faudrait qu'il y ait un diffuseur qui écoute ça et qui dise, ah ouais, faut que j'écoute, là. Alors, Frédéric, si tu veux, on va écouter une autre chanson. Oui. Parce que c'est vrai, hein, c'est 16h54. Mais ouais. C'est bien d'échanger comme ça. C'est... Ah, bah, il y a tellement de choses à dire sur ça. Mais c'est bien, il faut, il faut. Et puis, alors, avant de, peut-être avant de passer la chanson, pendant que j'y pense, on va aussi, ton album, alors, on va, après, bien sûr, on va parler du single, mais ton album, bien sûr, Note Sensible, on le trouve toujours, on se le procure comment? Bah, l'album Note Sensible, comme les autres d'ailleurs, ouais. On se les procure, principalement par Internet, hein. Par évidemment, Internet, tous sûr, les ouais. titres des différents albums que j'ai sortis, enfin, pas tous d'ailleurs, mais une bonne partie des titres sont sur les plateformes de téléchargement, hein, sur Internet. Hein. Oui. On peut aller sur Spotify, Deezer, enfin il y en a plein, iTunes, etc. Enfin, on tape Frédéric Arnaud, on me trouve, c'est sûr. Oui, c'est sûr, la première ouais. chose. Mais si on veut, comme moi, par exemple, moi j'aime bien acheter les albums. Ah. Ça m'est arrivé d'en télécharger, mais enfin, moi j'aime acheter les albums. Alors là, vraiment, tu touches à un point, tu touches à un point aussi que j'adore. Vas-y, je te laisse. Bah oui, parce que enfin moi je trouve que quand j'achète l'album d'un artiste, d'abord bah, je découvre les photos qui sont à l'intérieur quand il y en a, je découvre les textes quand il y a les textes aussi, et puis j'aime l'objet, le disque, voilà. La galette qui est dedans, avec les titres, il y a le minutage, les auteurs-compositeurs, les remerciements, les machins. Moi voilà. j'aime l'objet et j'aime acheter des albums. Alors ceux qui sont comme moi et à qui je plais, ben, il faut pas hésiter. Moi, Frédéric Arnaud, pour renseigner les auditeurs, Frédéric Arnaud, Frédéric, ça s'écrit CK à la fin. Oui. Donc voilà, c'est la petite particularité de mon prénom. Et Arnaud, c'est très simple, c'est A-R-N-O. A-R-N-O. Voilà, très d'accord. simplement. Frédéric Arnaud. Alors, sur le site www.frédéricarnaud.com, on peut se procurer les albums, voilà, et autre chose si on souhaite, bien sûr. Mais enfin, les albums principalement. On peut se les procurer, ils les reçoivent par courrier après. Bon, là, il y a pas, ça marche très bien. Et puis voilà. Ok, mais écoute, je te rejoins complètement sur ce que tu dis. Et c'est vrai que je le dis souvent à la radio. Enfin, j'en parle souvent. Mais quand on aime un artiste, c'est formidable d'avoir l'objet, comme tu disais. Ouais, moi je trouve que. Alors évidemment, c'est sûrement plus simple de prendre son téléphone portable, même mettre le casque et écouter un artiste. Ça, c'est sûr. C'est plus simple. On peut l'écouter n'importe où, dans le train, dans la bagnole, etc. Mais moi j'aime bien l'objet. Bien sûr, mais moi par exemple, je peux très bien écouter mes chansons dans mon smartphone. Tout en ayant acheté l'album et puis on extrait les chansons et puis on fait un copier-coller dans le téléphone et puis c'est parti quoi, je veux dire. Oui, voilà. Hein, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est magnifique, comme tu disais, les textes, les photos. Bon, je vais parler un tout petit peu des vinyles, mais rapidement, c'est vrai que ça revient. Les vinyles reviennent. Et c'était quand même un objet c'était quand même un bel objet aussi, ça. Enfin bon. Moi, je parle avec mon âge un petit peu avancé. Non, mais ça revient à la mode, c'est vrai. Ça revient à la mode. Les gens achètent les vinyles, pardon. Et c'est très bien. Ça donne l'idée, même à des gars comme moi, de se dire bon, bah peut-être que pourquoi pas, si j'ai quelques titres qui marchent bien, j'investirais dans la fabrication de quelques vinyles, enfin peut-être, je sais pas, quelques exemplaires pour ceux qui souhaiteraient se le procurer, quoi. Bien sûr. Et c'est un bel objet, le vinyle. C'est un bel objet, tout à fait. Bon, oui, après, il faut être équipé chez soi, bon, tout. Oui, bien sûr. Pas, ouais, plus c'est, mais c'est vrai longtemps. Que moi, par exemple, je suis pas équipé pour écouter des vinyles aujourd'hui chez moi. D'accord. Au studio, oui, mais chez moi, non. Mm-hmm. Donc voilà. Mais j'ai gardé d'ailleurs tous mes 45 tours. Ah, bien sûr. Bah oui, c'est pareil. Bon, Frédéric, on s'écoute une troisième chanson. Ouais, on écoutait que trois chansons. Puis après, bon, oui, vu l'heure, on verra. Hein, de toute façon, comme je dis, on parlera du dernier single. Oui. Alors là, j'ai choisi une troisième chanson. Donc, qui n'est pas sur ton album. Alors, tu me diras si je me trompe. Hein, qui n'est pas sur ton album Note Sensible, mais qui doit être sur ton album Chanson Française, je pars. Et ce titre s'appelle Embrasse-moi, c'est ça? Ah, Embrasse-moi, oui, d'accord. Alors, ça, c'était sur l'album Chanson Française? Ah non, même pas. Non, même pas. Pas. Ce titre-là devrait. Il n'a jamais été sur aucun album, en fait. Ah, d'accord. Et en fait, l'objectif, c'est de le mettre sur le prochain. Sur le prochain album. D'accord. J'attends d'avoir suffisamment de titres pour avoir un bel album avec 12 titres. D'accord. Ouais. Alors, voilà. Ça pose pas problème si on l'écoute? Hein, parce que pas du tout, parce que c'est un que tu m'avais envoyé, hein, donc par c'est un titre qui existe que je fais sur scène, par contre. Voilà, d'accord. Je fais sur scène celui-ci. Là, je vais le faire bientôt, d'ailleurs, sur un prochain spectacle, là, parce qu'il parle de Paris, par contre. Évidemment de notre belle capitale française, ne soyons pas assez chauvins. Oui. Mais voilà, et du coup, il parle de Paris. Et, moi, c'était pour quand je suis sur scène sur un de mes spectacles, on parle beaucoup de Paris, et c'était pour raconter un peu l'histoire, voilà. Alors avant qu'on écoute la chanson, j'ai un petit mot encore de Mado. Oui. Qui me dit j'ai promis d'aller à son cabaret. Oui. Voilà, et puis Mado, elle aime bien aussi avoir l'objet. Voilà ce qu'elle nous dit. Ah bah voilà, donc elle est d'accord avec nous, mais je pense que je suis pas le seul. Enfin, on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, non, pas je les pense. Seuls, hein. Ouais, je ouais, pense ouais, qu'il y a pas ouais, mal ouais. de gens qui aiment encore bien les objets. Voilà. Peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui, on est un peu ringard, je sais pas. Oui, peut-être, on sait pas. Bon, tant pis, c'est pas grave. C'est ouais, pas grave. Alors. Comme il y en a beaucoup qui adorent collectionner les DVD des films, etc. Alors, oui, bien contre, sûr. Ouais. C'est pas trop mon truc les DVD. Pour le coup là, je fais l'inverse. J'achète les films à la télé. Puis, oui, voilà, d'accord. Je regarde les films à la télé. Je vais beaucoup. Je vais au cinéma. Voilà. Mais c'est vrai que. Mais les CD, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais c'est vrai que bah je sais pas. C'est peut-être pas toute la jeune génération, mais je pense que ça touche quand même beaucoup de jeunes. Et ce n'est pas une critique, hein. Mais c'est vrai que bah voilà quoi. Je veux dire, bon, ok, ils ont la chanson dans le portable ou maintenant les chansons. Enfin, le streaming. Oui. J'avais lu ça sur il y a pas très longtemps dans un magazine très sérieux sur la musique. Le streaming maintenant, il passe au-dessus des téléchargements. Oui. Je veux dire en quantité. Je veux dire voilà. Ça oui, passe oui. au-dessus des téléchargements. Alors moi, je trouve que c'est un peu tristounet, quoi. C'est... Voilà. Enfin bon, ça, c'est notre avis. Hein, voilà. Bon, on écoute. Embrasse-moi. Allez, super. Je traîne dans les rues. Le petit matin me salue. Au détour d'un café, d'une avenue. Cherche une terrasse à la gare Montparnasse. Moi j'ai le sourire quand tu m'embrasses. Embrasse-moi, embrasse-moi à Paname. Ça me suffira, ça suffira pour combler le manque de toi. Embrasse-moi à Paname, ça suffira. Laissez sur mes lèvres un petit goût de fièvre et le souvenir de nos baisers. Dans ce décor Paname, tu as sauvé mon âme et tout mon corps pour toi s'enflamme. Embrasse-moi, embrasse-moi. Embrasse-moi. On rigolait un petit peu, Frédéric, parce que tu vois, on swingait un petit peu dans le studio avec mon ami Mika. Ouais. Ah, vous devriez voir ça, comment on a le swing. C'est dommage, swing. Oui, ça swing. C'est pas filmé, là, il n'y a pas de photo. Là. Mais non, c'est pas, c'est dommage. C'est dommage. On peut pas, il faudrait qu'on fasse des petites vidéos, voilà, sur Facebook, comment on dit, en direct. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Non, non, mais c'est bien. Enfin, moi, je dis cette chanson n'est pas dans ton album, Notes Sensibles. Mais quand on écoute un petit peu tout, je veux dire, voilà, il y a des chansons rythmées, ça swing un petit peu, et puis des chansons plus douces, plus voilà. Bah oui, il faut je trouve tout, que c'est bien. Oui, il faut tout. Voilà, c'est ça parce que faut tout, hein. Il y a certains chacun artistes des fois qui restent toujours sur la même, je dirais sur la même lignée. Sur après, je trouve qu'on s'ennuie un petit peu, mais là, c'est bien, je trouve. Voilà, ouais, avec de bons textes et puis de belles mélodies. Ouais, moi, je trouvais que de toute façon, il faut que chacun trouve ce qu'il a, enfin ce qu'il aime. Oui, puis ce qu'il veut faire. Ouais. Il y a des gens qui aiment bien les chansons entraînantes, d'autres qui aiment bien les slow, les balades, ouais. Voilà. Bon, après, on est toujours dans le même style de la chanson de variété française. Oui. Mais non, c'est vrai qu'on ne peut pas faire que des slow, que des balades. Donc, il y a des petites choses un peu swing, voilà. Oui, oui. Mon dernier titre qu'on va écouter là-bas, voilà, voilà, c'est un peu plus, c'est un peu plus rock. Oui, oui. Parce que voilà, un peu plus pop, parce que aussi, j'aime bien faire ça. Voilà. Bien sûr, oui, oui, tout à fait, oui. Oui. Alors autrement, Frédéric, donc des chansons anglaises, non. Toujours, on reste dans la chanson française. Oui, bah oui. C'est oui. D'abord, je sais pas écrire en anglais. Ouais. Enfin, je veux dire, voilà, je suis pas un super linguiste, quoi. Et puis voilà, moi, je peux m'exprimer que dans ma langue maternelle, en tout cas, je passe. Et puis une belle langue. Oui, et puis en même temps, française. Voilà, je suis pas suffisamment connaisseur de langues étrangères pour pouvoir m'exprimer. Alors, dans d'autres langues. Bien sûr. Puis moi, ce que je reproche un petit peu, c'est bon, je vais reparler un petit peu de The Voice. Ouais. Donc autrement, qu'il y a des belles voix, etc. Mais ce qui est un peu dommage, enfin, je trouve, c'est que, enfin, moi, je regarde pas trop. J'avoue que je regarde pas trop. Mais est-ce que la plupart chantent en anglais? Ah oui, oui, bien sûr. Ouais. C'est ah ça oui, qui est un... c'est une grosse majorité de chanteurs. Une grosse majorité de chanteurs chantent en anglais. De temps en temps, on aimerait bien écouter un peu de belles chansons en français, quoi, je veux dire, voilà. Après, bah c'est un avis. Ouais, il y a des belles choses aussi, mais c'est vrai que le répertoire anglophone, bon. Oui. Américain, tout ça, enfin, il est énorme. Il y a un répertoire qui est énorme, qui est peut-être plus important quand même que le répertoire français. Oui. Et puis et voilà, c'est vrai qu'on trouve tellement de belles choses. Je pense que aussi il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent mieux dans les chansons américaines, etc. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, ils se retrouvent mieux là-dedans. Ouais. Ils ont l'impression de pouvoir mieux s'exprimer. C'est peut-être plus simple pour eux aussi de s'exprimer en anglais plutôt qu'en français. Mmh. Quand on s'exprime en français. Ben voilà, faut qu'il y ait quand même un petit peu de texte, et puis pour l'exprimer, des fois, il faut peut-être un peu plus de vécu, peut-être aussi, je sais pas. Oui, donc du coup, il s'exprime plus en anglais, et c'est vrai que quand on regarde ces émissions-là, ben voilà, il y a plus de chansons, il y a moins de chansons françaises, c'est sûr. Bien sûr. Michael, je suis surpris parce que vous dites tous les deux, puisque quand je lis le titre de ton nouveau single, c'est pourtant de l'anglais. Ouais, bah oui, ouais. Oui, c'est de l'anglais. Non, mais bien sûr. Parce que, en fait, c'est ce que je voulais faire sur le dernier titre. Enfin, en tout cas, celui-ci. C'est que, bah, je voulais lui donner une petite tonalité un peu plus internationale. Et puis, c'est vrai que ça se fait bien depuis quelques temps. Les chanteurs, ils sont à la fois français et anglais dans leurs chansons. Il y a beaucoup de textes, dans les couplets qui sont en français, et quand on arrive au refrain, paf, c'est en anglais. Et moi, j'ai trouvé que l'idée était bien aussi. C'est pas récent, hein, ça date pas d'hier, mais malgré tout, aujourd'hui, il y a beaucoup de chansons qui sont comme ça, quoi. J'ai pas d'exemple précis, mais on en trouverait plein. Et je me suis dit, je vais essayer de faire aussi ça, voilà. Alors, c'est un exemple, hein, parce que les prochaines chansons, c'est que du français. Oui, on écoute ce morceau. Il faut. Attends, excuse-moi. Et puis après. Moi, je suis impatient d'écouter. Oui, ça y est. Michael est impatient. Et puis après, il faut peut-être aussi se faire plaisir un petit peu. Je pense, Frédéric, hein, peut-être aussi. Bon, on se dit, tiens. Ouais, aller voir un petit peu dans cet univers, pardon, un petit peu, ouais. Voir un petit peu, voilà, mais c'est pas tout, comment je veux dire, tout en anglais, quoi. Non, c'est forcément, c'est français-anglais dans la chanson, ouais. Mais c'est vrai que, quelque part, ça me permettait aussi de, comme il y avait longtemps que j'avais pas sorti quelque chose, de revenir, mais avec une chanson où il y a un petit peu d'anglais, ça me permettait de moderniser un petit peu. Oui, voilà, oui, oui, bien sûr. Et puis... d'être un peu plus dans l'actualité, voilà. D'accord. Alors, Mika est impatient. Moi, je l'ai déjà écouté, bien sûr. Donc, on écoute « My Idol ». À ne penser qu'à toi, j'attends les soirs d'orage quand seul tu m'écriras. Je sens les fleurs du mal effleurer du bout des doigts. Le vent sur cette page ne me parlera que de toi. You are my dove. I need nothing with you. Je te retiens sur moi, infidèle apparence. J'oublie les mots, l'amour, l'écume des jours et mon absence. Tu dis d'arrêter d'attiser, d'éveiller les tourments. Chaque matin d'orage, je ne crois plus en rien, ni au mar, ni au sage, ni au signe du destin. You are my dove. I need nothing with you. You are my dove. Nights belong to you. Sans fleurs la nuit, je viendrai te chercher. On prendra le meilleur sur ta peau de janvier. L'envie de l'adorer, tu connais le chemin. Il suffit d'un regard pour revoir un matin renaître notre histoire. You are my dove. I need nothing with you. Voilà donc titre du nouveau single de Frédéric Arnaud qui est sur nos ondes cet après-midi sur Radio Gameuzo dans les années bonheur. Donc My Doll, on vient d'entendre Frédéric, voilà. My Doll, oui. Ma poupée. Ma poupée, ah merci pour la traduction. Merci. Non, parce que je plaisante souvent là-dessus parce que je suis pas très très bon en anglais. Ouais. Des fois j'ai un petit peu du mal, bon là le titre est court, j'ai des fois un petit peu du mal dans la prononciation, tu sais quand il y a des titres qui sont un peu plus longs. Et puis mon amie agente, elle se moque de moi. Voilà, je suis meilleur, je dis toujours dans la langue de Goethe, en allemand. Là, ça, je maîtrise un peu mieux, mais en anglais, j'ai du mal. Alors voilà, non, c'était pour la petite petite note d'humour, voilà. Moi, je suis meilleur dans la langue de Goethe. De Goethe. Waouh. Voilà donc, Frédéric, alors, tu te produis donc dans ton cabaret. Oui. Tu fais, hein, c'est bien ça. Oui, oui, bah, je me produis dans mon cabaret. Dans ton cabaret. Voilà, j'ai un personnage, je fais partie de l'équipe, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais est-ce que tu fais des scènes, autres ailleurs, je veux dire, Alors, en fait, il me reste assez peu de temps, en réalité, dans l'année. Dans l'année pour pouvoir continuer à faire des concerts. Cela dit, voilà, de temps en temps, si j'arrive à me trouver un petit peu de temps dans le calendar, je sais que dans l'agenda qui est assez conséquent, des dates au cabaret L'Élégance, je sais que tel ou tel mois, je vais avoir un week-end de disponible au mois de mai, par exemple, ou un autre au mois de, je sais pas, janvier ou février, etc. Bon, voilà. Et puis, en même temps, le cabaret, il est fermé en juillet-août. Donc, en juillet-août, par contre, je peux me permettre de m'exprimer un peu mieux et de repartir un peu sur les routes avec mes musiciens, parce que j'aime bien partir quand même, pas tout seul, quoi. Je peux partir tout seul sur bande, aller faire une première partie, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Et puis je maîtrise mon programme, mais c'est vrai que quand je suis accompagné des musiciens, c'est quand même vachement mieux. Ah oui, c'est bien sûr. Donc je lisais hein, sur ton livret que tu nous as envoyé. Hein. Je te remercie encore aussi pour la dédicace et pour Lynn que je lui ferai parvenir. Donc tu as des différentes formules avec ou sans musicien, hein, c'est ça, hein, avec. Oui, bien sûr. Après il faut aussi se produire. Donc évidemment, ce qu'on préfère, c'est de tourner avec les musiciens, hein, tourner avec qui sont des amis. Quand on est tous les quatre sur scène, enfin, c'est vraiment super, quoi. Voilà, on peut être plus nombreux d'ailleurs, mais enfin, généralement, c'est trois musiciens et moi. Et donc, quand on est ensemble, c'est vraiment bien. Mais après, parfois, c'est toujours des questions de budget, machin. Donc, il peut arriver que je sois en soliste sur bande, quoi. Oui, sur bande. Ouais, d'accord. Ok. Oui. Mais je crois qu'il y a. Enfin, je pense pas que je me trompe, mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui font ces formules comme ça. Ben oui, bien sûr, mais on est tous obligés de le faire, hein, de toute façon. Bien sûr, Après, tout dépend de la notoriété qu'on a, mais il y a quand même des artistes, eux, c'est forcément être musicien et c'est pas autrement. Voilà. Oui, oui. Mais bon, après, c'est, des fois, il faut pouvoir tourner aussi, donc on peut pas dire, non, excusez-moi, moi, je viens, mais c'est temps, et je viens avec mes musiciens. Oui. c'est pas toujours possible. Bien sûr. Non, je pense à ça parce que je reparlerai de Franck Michael que j'étais voir il y a pas longtemps. Il était dans un cabaret aussi. Ouais, d'accord. Il est rentré dans un cabaret donc à Charmes. Peut-être que tu connais, c'est le Palais des Mille et Une Étoiles. Ouais, Mille et Une Étoiles. À Charmes. Ouais. Et donc il était présent, il avait un musicien. Ouais. Hein, donc qui jouait de l'orgue, hein, qui faisait voilà. Et il avait une jolie choriste d'ailleurs ouais. qui était à l'accordéon et qui faisait les chœurs quoi, donc ils étaient trois sur scène. Ouais, ils étaient trois, voilà, mais je voilà. pense que ça par contre c'est genre nous on est quatre parce que oui. Bon voilà, mais voilà, ça reste une formation qui est bien parce que clavier, accordéon, guitare, bon, c'est chouette quoi. Comme il y a de l'accordéon dans mes titres, bon c'est bien, et puis l'accordéon revient bien hein, ça, en plus, donc c'est vraiment chouette. Et c'est des formations, voilà, on n'est pas trop nombreux, donc au niveau des tarots, on s'y retrouve bien. Oui, bien sûr, oui. Puis c'est mieux que, je veux dire, peut-être que d'être tout seul aussi, hein, il y a... Je veux dire, chanter tout seul sur bande, c'est peut-être moins évident, enfin, je sais pas, c'est une question aussi. C'est pas moins évident, non. Mais c'est un peu moins intéressant, enfin, je veux dire, on se retrouve seul face au public, donc voilà, c'est bien, parce qu'on les fait chanter, on leur parle, on leur raconte des histoires, et puis ils partent avec nous dans notre univers, mais quand on est accompagné des musiciens, il y a plus de fraîcheur, c'est plus simple aussi, parce que quand on est sur bande, il faut suivre la bande. Quand on est avec musiciens, on peut se permettre au pire de s'arrêter, de rajouter un refrain, de dire, ah, on va la refaire parce que c'est trop bien, voilà. Ouais. Et puis il y a un vrai partage en plus avec les musiciens sur scène. Oui. Voilà, on partage des sourires, des regards, et puis on se connaît par cœur. Ça peut évidemment arriver qu'il y ait une fausse note, un machin ou un truc, et on peut s'en amuser parce que on est tous là pour se faire plaisir aussi, et faire plaisir au public. Voilà. Bien sûr, oui. Donc je rappelle Frédéric, ton album. Oui. On se le procure. Donc, je rappelle ton adresse, hein, www.frédéric, alors comme tu lui as précisé, hein, Frédéric C-K, Arnaud, donc ARNO.com. Voilà, on peut se le procurer à cette adresse-là. Avec grand plaisir, on peut m'envoyer des petits messages, je réponds tout le temps aussi. Je reçois de temps en temps des petits messages très très très sympathiques, très gentils. Voilà. Non, il faut pas hésiter d'aller voir. Il y a évidemment les photos, il y a tous les clips vidéo des différentes chansons. Voilà, on peut découvrir mon univers, ma bio, etc. D'accord, ok. Alors je te propose qu'on écoute une autre chanson. Oui. Oui, à 17h18, je regarde mon technicien, on a encore le temps. Donc, alors là, j'ai choisi donc un titre de l'album Note Sensible. D'accord. Fais-toi une belle vie. Ouais. Voilà, on écoute, tout merci. Un jour j'ai quitté un endroit que j'avais aimé. Et ce jour-là, quelqu'un m'a dit : fais-toi une belle vie. Il en est passé des hivers depuis, des langueurs, des automnes, des insomnies, des jours de peine et d'amour aussi. Fais-toi une belle vie. De tous les ciels de mes voyages, je ne veux voir que ton visage. De toutes les flammes, de tous les cieux, je ne retiendrai que tes yeux. J'ai quitté un endroit où j'avais aimé. Jamais personne ne m'a redit, fais-toi une belle vie. Malgré les années dissolues en nuages, les amours mortes et les gens de passage, me répète sans oubli, fais-toi une belle vie. De tous les ciels de mes voyages, je ne veux voir que ton visage. De toutes les flammes, de tous les cieux, je ne retiendrai que tes yeux. Par-delà les heures et les jours, je ne demande que ton amour. Par-delà les eaux, les frontières, je ne vivrai que pour te plaire. Voilà. Fais-toi une belle vie. Voilà, Frédéric, tu peux nous en dire un petit mot sur sur cette chanson Oh, bah c'est ce qu'on peut souhaiter à tout le monde. Hein. Ah oui. Voilà, bah, voilà. Il y a beaucoup de mélancolie dans ce titre-là, mais ouais. Parce que bah oui, bah, c'est pas toujours simple, mais dans la vie, en fin de compte, je pense qu'on fait tous plus ou moins. Enfin, si ça peut arriver, mais on fait tous plus ou moins parfois des erreurs, on a parfois des regrets ou des remords, hein, ça, voilà, de ce qu'on a vécu, voilà, etc. Oui, et je pense qu'il faut oublier un peu tout cela, parce que sinon on se fait du mal. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir lâcher prise par rapport à ça. Mm-hmm. Et se dire que allez, ce qui reste à faire, c'est bien, et voilà, on peut se souhaiter de se faire une belle vie, de ce qui arrive, ça peut être bien, quoi. Mm-hmm. Et c'est un peu le langage de la chanson. D'accord, oui. Malgré tout ce qui s'est passé, les nuages, les machins, etc. Allez, il y a quelqu'un qui m'a dit, fais-toi une belle vie, allez, j'efface tout ça. On efface tout et puis on va de l'avant. Voilà, on va je veux pas me noircir la vie, je veux pas me noircir le cœur, les sentiments et l'âme. Il y a des fois des mauvaises choses qui arrivent dans la vie. Hein, oui, bien sûr, oui. Bon, voilà. Ouais. Et, mais voilà, il faut pas se continuer à vivre dans le dire, ah là, tout ce qui s'est passé, ah ouais, c'est pas possible. Voilà, et de se dire, non, allez, j'oublie tout ça, je lâche un peu prise de voilà, je passe de à autre chose, mauvais, ouais. Et je regarde devant, fais-toi une belle vie, allez, on y va, et avec le sourire. Voilà. Bien sûr, ouais. Alors, Frédéric, tu es bien occupé, hein, donc tu nous en as parlé, bien sûr, hein, tout au long de cette émission. Mais donc, est-ce que tu as d'autres projets ? Alors, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, hein, quand on avait passé la chanson « Embrasse-moi » qui figurera sur un de tes futurs albums. Oui. C'est ça ? Oui, donc, tout à fait. Ben, en fait, c'est toujours le projet ouais. De se dire, tiens, allez, bon, il y a trois albums, je vais en sortir un autre, c'est sûr. Mm-hmm. Mais après, voilà, c'est long, il faut trouver les bonnes chansons, les bons textes, etc. pour pouvoir faire un album, c'est important. Donc là, bon, il y a un certain nombre de choses. J'étais en studio aujourd'hui. Oui. J'étais en studio à midi, juste parce qu'il y avait l'enregistrement d'une guitare sur un titre. Donc, dans peu de temps, je vais le faire découvrir aussi, voilà, ce titre-là. Et voilà, petit à petit, entre My Doll, Embrasse-moi, On sait tellement, le titre d'aujourd'hui, là, le vieil élégant, etc. Et d'autres titres qui vont arriver. Ben voilà, ça permet de petit à petit, voilà. Il y a, comme beaucoup font maintenant, hein, on lance des titres, et quand il y en a suffisamment, on fait un album. Voilà, parfois, on fait ça, en tout cas, pour moi. Voilà, oui, je pense que oui, tu as raison. Il y a beaucoup d'artistes quand même qui font découvrir 10 fois quand même sur scène un peu leur futur, les nouvelles chansons, peut-être avant de les enregistrer, peut-être pour voir un petit peu la réaction du public. Hein, c'est ça, je pense. Hein, oui, c'est ça, exactement. Ouais. On voit d'abord la réaction du public, si c'est des chansons qui plaisent, etc. Et puis, si ça vaut le coup que ça sorte dans un album. Moi, je pense que oui, ça vaut toujours le coup. À moins que ce soit vraiment très moyen. Mais bon, voilà, si en tout cas, nous, ça nous plaît, et si on se rend compte que ça plaît aux gens, voilà, pourquoi pas le faire partager au maximum. Oui, c'est bien. Alors, un futur album, hein, donc en préparation. Autrement, donc voilà, beaucoup de travail avec le cabaret, tout ça. Ah bah oui, de toute façon, oui. Donc voilà, ça c'est. Cabaret, on est déjà dans l'écriture du spectacle de 2019. Oui. Hein, vous voyez, donc on prend beaucoup d'avance. D'accord. Mais c'est important parce que une écriture de spectacle, ça se fait pas comme ça. Il faut trouver des choses originales, les choses où les gens se retrouvent aussi avec de l'universalité. Enfin, il faut trouver de la modernité, des numéros internationaux, surprendre les gens. Et tout ça, ça se fait pas en 5 minutes. Donc, quand on est très nombreux sur scène, ça demande un travail de préparation longtemps à l'avance, quoi. Bien sûr, ouais. C'est alors, toujours un challenge en plus. Hein. Bien sûr, oui, toujours une. Puis après avoir la réaction. Hein, toujours un challenge, ça, toujours une remise en question, savoir est-ce que ça va leur plaire. Et puis en même temps, il faut que ça soit multigénération. Donc est-ce que ça va plaire à la fois aux jeunes, à la fois aux anciens, aux familles. Voilà, il faut que ça plaise à tout le monde. Il faut que quand il y a un jeune de 30 ou 35 ans qui rentre dans un cabaret, déjà c'est pas évident qu'il y rentre, parce que souvent il y a une mauvaise image au cabaret, un peu vieillissante, poussiéreuse, on va dire. Donc déjà quand il y rentre, mais il faut qu'il y sorte en disant « Waouh !» Je pensais pas du tout que c'était ça le musical. Ouais, je suis super agréablement surpris. J'ai passé un super moment. C'est ce qui arrive quand ils viennent à l'Élégance Cabaret. C'est-à-dire qu'on essaie de rajeunir les clientèles. Et en même temps, on sait bien que la grande majeure partie des cabarets sont aussi beaucoup de seniors. Il faut pas se le cacher, c'est vrai. Si les jeunes ils aiment, bon, il faut aussi que les seniors ils trouvent leur compte et ils se disent. Et c'est ce qui arrive, c'est-à-dire qu'il faut vraiment faire du multigénération. Quand les seniors sortent du cabaret, ils disent, ouais, on a passé un moment, vous nous avez fait rêver, oublier tous nos soucis, machin, etc. On a passé un très bon moment, merci pour ce moment, vous êtes super, vous avez du talent, etc. Bon, ça c'est très bien, on le prend pour nous, on est très heureux. Bien sûr. Mais voilà, il faut que de 30 à 90 ans, et ben voilà, et qu'on ait le même retour. Donc, il faut vraiment que ça soit écrit pour plaire au plus grand nombre. D'accord. Eh ben, Frédéric, l'émission touche à sa fin tout doucement. Ben oui, j'aurais aimé que. Merci de m'avoir reçu. Mais c'est avec plaisir. J'aurais aimé qu'on écoute un petit peu plus de chansons de ton album, la note sensible. Mais il bon. Il faut pas hésiter, hein, aller diffuser, hein. Bien sûr, non, de toute façon. je veux dire, bon, dans mon émission, c'est vrai que j'ai enchaîné pas mal d'interviews, mais je ne fais pas que des interviews. Oui, oui. J'ai mon émission aussi, où j'ai mes coups de cœur, mes. Et dans cette rubrique-là, je rediffuse les artistes que j'ai reçus en phoneur, par téléphone ou en live. Bon, live bien donc sûr, je ne les oublie pas. C'est gentil. Bien. Non, c'est normal, voilà. Et voilà, donc on aura l'occasion, pardon, de te réécouter dans les années bonheur, hein, sur les ondes de Radio Gemozo. Alors je veux te dire un grand merci, d'avoir accepté aussi notre invitation, hein, pour cette émission. Bah, c'est un grand plaisir. Et puis moi, très bon moment d'expliquer un peu ma vie. Voilà. Et puis un grand succès pour cet album et puis bonne continuation. Merci beaucoup et à bientôt. Hein. Je souhaite tout ce qu'il y a de mieux à tous les auditeurs et à vous tous. Vraiment, merci pour cette invitation. l'émission et puis au plaisir peut-être de se voir. Ah ben bah, pourquoi pas, moi je viendrai dans la région, hein, je viendrai avec Mado puisqu'elle elle projetait de venir dans le cabaret. Ah bah oui, alors, si on pourrait faire un on pourrait faire un petit bus, tu vois Frédéric. Ouais, voilà. Non mais ça serait sympa de se rencontrer bien sûr et puis moi je dis encore bravo pour cet album là et c'est magnifique, voilà. À très bientôt Frédéric, merci. À bientôt. Bye bye. Frédéric, au revoir. Amis auditeurs, auditrices, voilà, l'émission se termine. J'espère que vous avez apprécié, voilà, cet artiste Frédéric Arnaud avec ses chansons, voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures musicales. Portez-vous bien. À bientôt. Merci Mika. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Et si on pouvait danser comme la première fois sur tous ces chabarabara. Déhanché sur un air disco, pas d'effet chaud sur un plateau, s'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro, ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta.